nos beaux 20 ans. C'était le bonheur et la joie à toute heure, au temps des tramways et des grands cafés où l'on rencontrait tout Toulouse assemblé. C'était chaque jour la fête et partout la gaieté. Au café Paul, aussi bien qu'aux Américains, à l'heure du café concert, tous les copains. L'accordéon d'Edouard Duleux, toute la salle reprend ton refrain. À la nuit tombée, ensemble on allait danser au chalet. Spico Chantaco, il fallait le voir de présent lassé. Avec quel talent nous suivions le tempo, nous étions les rois, la valse, les princes du tango. Tu es devenu le grand Toulouse, mais tu n'es plus, ô ville rose, qu'un paradis perdu. Mais non, pourtant, à ton nouveau plaisir, nouveau projet, nouveau succès, autre passion. Et l'univers d'Arlette revient maintenant. Allez, nous poursuivons avec une petite valse. Ah, ça c'est une bonne idée. Georges Hamel, auteur, compositeur, interprète, qui nous vient du Canada, écrira au cours de sa carrière plus de 300 chansons. Pas mal quand même. Dont la plus belle valse. Mmh. Nous sommes en 1970, Georges Hamel. Sur la plage, à l'heure où meurt le jour, on se dit je t'aime, on oublie les mauvais jours. C'est la plus belle rengaine, la valse d'amour. Tant de gens voyagent aujourd'hui vers les pays chauds, un vrai paradis. Sous le soleil chaud d'Hawaï, où mille guitares chantent cette mélodie. La plus belle valse, c'est la valse d'amour. On danse sur la plage. Oh, les amoureux se couvrent de baisers. Ils bercent leur cœur près des eaux argentées. La plus belle valse, c'est la valse d'amour. On danse sur la plage. On va continuer à valser, cette fois-ci ce n'est plus Georges Hamel, mais voici, ça rime d'ailleurs, Éric Bouvel, Espoir. Et si vous ne savez pas où passer l'été, je vous conseille un joli petit village en Haute-Savoie. Ça s'appelle Les Villars-sur-Thône. Un clocher, une croix, plantée tout en haut du mont Lachat. Un sommet d'où l'on voit bien plus que ça. Un sentier qui s'égare, où je me promenais par hasard. En passant un été au village, les arbres fruitiers éparpillés sur tes versants font ta renommée depuis la nuit des temps. On aime à flâner à l'ombre de tes sapins verts. Au cœur d'un été rayonnant de lumière, une forêt comme rempart où l'on peut, à l'abri des regards, s'embrasser un été au village. une cascade, une chapelle, un orgue d'église qui nous appelle. La nature nous murmure et nous révèle des sapins, des faïards, paysages qui nous accaparent. Rejoins-moi un été au village. Tu découvriras ce village si merveilleux en écoutant le patois de ses aïeux. À la Saint-Laurent, tout près du four, nous serons bien. Nous y goûterons la saveur de son pain. Et s'il est un peu tard, je retarderai bien mon départ pour t'aimer tout l'été au village. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. On continue à danser cette fois-ci le tango, le célèbre tango Caminito. Il va falloir nous étonner maintenant parce qu'on a dansé le tango, la valse et même la marche, mais quoi d'autre encore? Et c'est une java qui va suivre. Ah. La java du petit Robinson. Très bien. Dont les auteurs ne sont autres que Hubert Ledent et Bernard Marly. La java du petit Robinson. Quand on se promenait au bord de l'eau, de Jean Gabin on buvait les mots, et Jacques Prévert et son chapeau, au petit bar terminait son mégot. Des champions de la boîte à frissons, je me rappelle au petit Robinson. Des rois de l'accordéon accompagnaient les chansons. On aime ça, la java du petit Robinson. C'est pour ça qu'on est là, au petit Robinson. On y voit des midinettes et des petits gars en casquette. Toi et moi, on est là comme à la maison. C'est sympa, la java du petit Robinson. Faut surtout pas qu'elle s'arrête. la Java, du petit Robinson. Y a la Marne et ses beaux canotiers, la guinguette est là tout à côté, et le grand tumulte de Paris au fil de l'eau s'est évanoui. Et le soir pour bien récupérer du soleil de toute la journée, on écoutait les chansons là au petit Robinson. On aime ça, la Java, du petit Robinson. C'est pour ça qu'on est là au petit Robinson. C'est la plus belle des guinguettes, chez elle la vie est si chouette. Toi et moi, on est là comme à la maison. C'est sympa, la Java, du petit Robinson. Faut surtout pas qu'elle s'arrête, la Java, du petit Robinson. On peut dire que depuis 100 ans, on s'amuse dans ce lieu vivant. On a vu les amants de Saint-Jean danser sur les airs du fou chantant. De Joinville au petit vin blanc, le petit Rob est toujours présent. Pas de soucis, de tracas, quand ça va, c'est la Java. La Java, du petit Robinson. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Sorgia FM, Sorgia. Moi je vous propose toujours de danser dans les grands standards un passo doble, le célèbre El Gato Montes. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Et moi, je vous emmène maintenant en Alsace. Au printemps, c'est super sympa, vous allez voir. Le printemps d'Alsace. Moi, je vous emmène au soleil, mais je ne suis pas tout seul. Et si c'est Damien Poyard qui vous demande de lever les mains, bah écoutez, faut le faire. Tu lèves les mains et tu fais oh, oh, oh, tu montres le son et tu fais eh, eh. On lève les mains et on fait oh, oh, oh, on montre le son et on fait eh, eh. Tu lèves les mains et tu fais oh, oh, oh, tu montres le son et tu fais eh, eh. On lève les mains et on fait oh, oh, oh, on monte le son et on fait hey, hey, hey. Let's go. Venez tous au centre de la piste, y a pas besoin d'être un artiste pour danser coupé décalé. On va tous tenir la distance, on va mettre l'ambiance, on va bouger les corps collés serrés. Laisse tomber ton rhum à ranger, viens avec nous danser ce soir à nous, à les parties ok. Oh, oh, oh, oh. Souris un peu, lâche-toi et puis fais tourner ta partenaire. Oh, oh, oh, oh. Ça y est, sens le feeling en toi. Mets tes problèmes au vestiaire. Tu lèves les mains et tu fais oh, oh, oh, oh, oh. Tu montres le son et tu fais hey. Les mains et on fait oh, oh, oh, on monte le son et on fait hey. Hey. DJ s'est lâché et on va tous bien s'ambiancer et sortir les t-shirts mouillés. Écoutons le tempo de la musique, une mélodie magique. On est tous venus pour bien s'éclater. On a le meilleur DJ, on va tous s'enflammer ce soir. À nous, à les parties zoukées. Tu fais oh, oh, oh, oh, tu montres le son et tu fais eh, eh, on lève les mains et on fait oh, oh, oh, on montre le son et on fait eh, et tu fais oh, oh, oh, tu montres le son et tu fais eh, eh, eh. On lève les mains et on fait oh, oh, oh, on montre le son et on fait eh, eh, tu lèves les mains et tu fais oh, oh, oh, tu montres le son et tu fais eh, eh, on lève les mains et on fait oh, oh, oh, on montre le son et on fait eh, maintenant sur Sorgia FM, Hubert. Allez, c'est un chouette passodoble que je vous propose de retrouver maintenant, interprété par Thierry Bonnefou. Vous allez reconnaître tout de suite, ça s'appelle Olé Torero. Thank you.

de ma blonde aux yeux bleus. Sorgia FM, Sorgia. Tango savoyard, pour les soirs de cafard. Loin des sommets je m'ennuie, et voudrais rentrer au pays. Mon tango savoyard, c'est ma danse d'espoir. Le plaisir des beaux soirs, oh j'aime te revoir. Quitter Paris et ses fumées, revoir mes montagnes enneigées, pour pouvoir enfin respirer, loin des grisailles des cités, retrouver les beaux paysages et la gaieté de nos villages. Un petit air d'accordéon, c'est bien et c'est si bon. Mon tango savoyard, pour les soirs de cafard. Loin des sommets je m'ennuie, et voudrais rentrer au pays. Mon tango, ma danse d'espoir, le plaisir des beaux soirs, oh chéma te revoir. Retrouver les beaux paysages et la gaieté de nos villages. Un petit air d'accordéon, c'est bien et c'est si bon. Mon tango savoyard, pour les soirs de cafard. Loin des sommets je m'ennuie, et voudrais rentrer au pays. Mon tango savoyard, c'est ma danse d'espoir, le plaisir des beaux soirs. Au chemin te revoir, jamais je n'oublierai tes sentiers, tes ruisseaux. Toujours je t'aimerai, pour toi le plus beau des tambours. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Et oui, malheureusement, il est l'heure de se dire au revoir. Et oui, il est temps, Arlette. Et oui, il est temps. Ah. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir, Hubert. Au revoir, Arlette. Merci encore pour votre fidélité, chers auditeurs, chères auditrices. À la semaine prochaine, je vous embrasse. Thank you. Sorgia FM. Sorgia FM.